Esther chapitre 8. Ce même jour-là le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'oppresseur des Juifs. Et Mardochée se présenta devant le roi, car Esther avait déclaré ce qu'il lui était, et le roi prit son anneau qu'il avait fait ôter à Aman, et le donna à Mardochée, et Esther établit Mardochée sur la maison d'Aman. Et Esther continua de parler en la présence du roi, et se jetant à ses pieds, elle pleura, et elle le supplia de faire que la malice d'Aman, Agagien, et ce qu'il avait machiné contre les Juifs, n'eût point d'effet. Et le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Alors Esther se leva, et se tint debout devant le roi. Et elle dit, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, et si la chose semble raisonnable au roi, et si je lui suis agréable, qu'on écrive pour révoquer les lettres qui regardaient la machination d'Aman, fils d'Amedata, Agagien, qu'il avait écrites pour détruire les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le mal qui arriverait à mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma parenté ? » Et le roi Assuérus dit à la reine Esther, et à Mardochée, « Juif, voilà, j'ai donné la maison d'Aman à Esther, et on l'a pendu au gibet, parce qu'il avait étendu sa main sur les Juifs. Vous donc écrivez au nom du roi en faveur des Juifs, comme il vous plaira, et cachetez l'écrit de l'anneau du roi, car l'écriture, qui est écrite au nom du roi, et cachetée de l'anneau du roi, ne se révoque point. Et en ce même temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, les secrétaires du roi furent appelés, et on écrivit aux Juifs, comme Mardochée le commanda, et aux satrapes, et aux gouverneurs, et aux principaux des provinces, qui étaient depuis les Indes jusqu'en Éthiopie, savoir, 127 provinces, à chaque province selon sa façon d'écrire. Et à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur façon d'écrire et selon leur langue. On écrivit donc des lettres au nom du roi Assuérus, et on les cacheta de l'anneau du roi, puis on les envoya par des courriers, montés sur des chevaux, des dromadaires et des mulets, savoir, que le roi avait octroyé aux Juifs qui étaient dans chaque ville, de s'assembler, et de se mettre en défense pour leur vie, afin d'exterminer, de tuer, et de détruire toute assemblée de gens, de quelque peuple et de quelque province que ce soit, qui se trouverait en armes pour opprimer les Juifs, de les exterminer, eux et leurs petits-enfants, et leurs femmes, et de piller leurs dépouilles. Dans un même jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, savoir, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Les patentes qui furent écrites, portaient que cette ordonnance serait publiée dans chaque province et proposée publiquement à tous les peuples, afin que les Juifs fussent prêts en ce jour-là, pour se venger de leurs ennemis. Ainsi les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent, se dépêchant et se hâtant pour la parole du roi. L'ordonnance fut aussi publiée dans Susan, la ville capitale. Et Mardochée sortait de devant le roi en vêtements royaux de couleur de pourpre et de blanc, avec une grande couronne d'or, et une robe de fin lin et d'écarlate, et la ville de Susan jetait des cris de réjouissance, et elle fut dans la joie. Et il y eut pour les Juifs de la prospérité, de la joie, de la réjouissance et de l'honneur. Et dans chaque province, et dans chaque ville, dans les lieux où la parole du roi, et son ordonnance était parvenue, il y eut de l'allégresse, et de la joie pour les Juifs, des festins et des jours de fête, et même plusieurs d'entre les peuples des pays se faisaient Juifs, parce que la frayeur des Juifs les avait saisis.